Prenons un autre verbe gogo. Comment dit-on « je mets » ? Poner. Poner, c'est mettre. Mais « je mets », c'est ? Pongo. Pongo. Hein? Car « poner » est un verbe gogo. Donc « pongo », je mets. Et au passé, « j'ai mis » se dit « pousser ». Cette fois-ci, la voyelle qui prédomine, c'est un « u hein? ». Prononcé « u ». Donc, on passe de « poner » à « pousser ». Donc, j'ai mis « pousser ». P-U-S-E. Pousser. Pousser. Hein? Et « j'ai pu », sans plongeoir toujours. Poudé. Poudé. Donc, en fait, on a seulement besoin de la première personne du singulier, hein, de la forme avec « je », puisque pour le reste, ça suit le même schéma.